SLK, la ghetto rockstar. M-A-S-L-A. Original Bunker Bros. Je continue de rêver tant que la pierre tourne, l'insomnie se donne en spectacle. L'espoir est mort avec une seringue dans le bras dans un penthouse. Rien n'évolue, le rap de merde, laisse ça aux pétasses. Tu me prends pour un bluffeur de carte gold en guise de perdasse. Je mange à ma faim, j'attendrai pas la fin pour mâcher la vie. Je troque pas mes principes pour une belle prune ou pour une Maserati. Fais pas la cœur, ça fait 10 ans qu'on sait qui sont les malades. Faut l'euro million, numéro de Balkany pour changer ma life. Je me laisse aller car j'en ai vraiment rien à foutre. Prends pas ce texte comme un mec mais comme une grenade dans la foule. Les coups de coude se distribuent plus que les coups de foudre. Je traversais les flammes pour finir noyé par un coup de blues. En manque d'amour, je sais maintenant pourquoi des hommes pleurent. On reste amis, non, j'ai déjà trop d'amis pour un seul cœur. Je suis pas du genre à cracher sur un salaire alléchant. Retiens que je suis pas de ces gens qui veulent la vérité quand ça leur chante. Pas de regrets, pas de regrets. Quand mes erreurs finiront par me tuer. Pas de regrets, pas de regrets. Quand mes erreurs finiront par me tuer. Pardonnez, pardonnez. Na na na na na. Ils me souhaitent la mort, je leur souhaite une longue vie. Ils me souhaitent l'enfer, je leur souhaite le paradis. Parler, mentir, trahir, c'est donc ça ta vie. J'ai donné mon temps à des Tommy. Ce qui est fait, je m'en bats les clas, oui. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner, m'a dit l'autre là-bas. Et ma SLA, oui c'est moi, si je te donne tu me rends. C'est donnant, donnant. Pourquoi se comparer, pourquoi se comparer. Tu cours après des meufs que j'ai jetées. Arrête de me serrer la main si t'es là que par intérêt. J'ai donné et ça sans jamais compter. Sans jamais compter. Pas de regrets, quand mes erreurs finiront par me tuer. Pas de regrets, quand mes erreurs finiront par me tuer. Pas de regrets, quand mes erreurs finiront par me tuer. Pas de regrets, quand mes erreurs finiront par me tuer.